Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, Les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des arts de ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Shows de balcon, parades, pop-up artistiques diffusés en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste et plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalphare.com. Le Phare 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de Choc.ca. Le Septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose, grâce à une instrumentation extrêmement variée, une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifles le matin, votre podcast coquin et la seule radio poubelle homosexuelle de Go. Allô! Mon nom est Jess PVM et moi je suis l'inverse de la gentrification. Je suis de plus en plus spacieuse et j'offre mes services de moins en moins chers. Ah! Toujours dans l'air du rose. Moi c'est Charlie Morin, puis j'espère qu'avoir su Guillaume le Métivier, je serais vraiment moins pressé à trouver une transplantation cardiaque à Lucie Laurier dans le nitro. Je pense que la société a vraiment progressé au-delà du besoin d'avoir Lucie Laurier où que ce soit dans l'espace médiatique. Et public. Et public. Elle est devenue la liberté guidant le peuple contre le vaccin et la 5G. Oui. C'est ça. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Au revoir, Lucie. Aux poubelles, Lucie. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, aussi. Coucou. Coucou. Coucou. On est accompagné de Marc-André Perrault, notre moon architecte en devenir, passionné d'urbanisme et d'espace pubis préféré. Et pédale à vélo. Et pédale à vélo, esti. Aujourd'hui, on vous parle pas de 10 000 villages puis de commerce équitable. On vous parle de notre seul, notre unique village à nous et de ses pratiques malheureusement inéquitables parfois. Eh oui, on parle pas de Saint-Jean-de-Mata, on parle pas de Saint-Ours, on parle pas de Sainte-Thérèse-les-Totons, on parle de notre village. Sainte-Catherine. On répond à des questions brûlantes du genre « D'où vient notre beau village? Hein, ça vient d'où ça? Est-ce qu'il se gentrifie? Qui le gentrifie? » Et pour finir en beauté, on va discuter de l'ignominie qui est devenu le complexe Bourbon. Fait qu'on s'en va au resto du village, regarder la belle photo du proprio avec Chantal Fontaine en se commandant un café et on vous revient overcaféiné. À tantôt les moons! Hey, le village est tellement déserté de tous et toutes que même Chantal Fontaine a quitté le mur des célébrités du resto du village. Ils ont dû appeler Stéphanie Craig-Blais pour la remplacer. Donc, la deuxième Virginie. Virginie 2. Ah ouais. Fait que c'est au début des années 90 que quelques institutions gays arrivent dans le centre-sud à l'est de Sainte-Catherine à cause des prix des locaux commerciaux et des taxes foncières plus basses qu'à l'ouest du centre-ville où se concentraient alors les lieux gays de l'époque. Alors, est-ce que à ce moment-là, on peut parler d'une première vague de gentrification dans le village? Ben en fait, le terme gentrification dans le village, là, faut avant toute chose définir deux éléments différents. Les bars, c'était les points CI. C'est ça, exactement. Ben, gentrification, d'un côté, c'est un concept qu'on entend parler à toutes les sauces, puis peu importe le quartier. Là. Ouais. Oui. C'est abordé, c'est le synonyme d'embourgeoisement pour ceux qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec la terminologie. Et puis le village, ben là, ben, on parle d'un écosystème vraiment précis avec ses dynamiques précises. Est-ce que le village se gentrifie? C'est difficile à dire parce que c'est un historique de quartier qui est assez particulier. Mais c'est né quasiment d'une première vague de gentrification après la disparition du Faubourg-en-Laye. C'est né d'un bulldozer. C'est né d'un bulldozer. Donc, c'est pour ça que la gentrification, la gentrification fait vraiment référence à un processus démographique et très économique de déplacement d'une population à cause d'une prise de valeur de gens qui viennent habiter le quartier et qui en changent les dynamiques sociales et que ça pousse la population inhérente au quartier à la porte. Ouais. Ce qui s'est un peu passé dans certains quartiers comme Hochelag, par exemple, qui a vécu ça un peu plus violemment dans les 10, 15, 20 dernières années. Ben, c'est souvent des quartiers ouvriers. C'est souvent des quartiers ouvriers à la base. Le village, à la différence de Hochelag, le quartier ouvrier, il a été rasé à 90% par des pépines. Donc, la gentrification... C'est sévère, là, comme déplacement de population. Les gens se sont fait crisser dehors à coups de pépines pour construire René Lévesque, pour construire le Tour de Ville-Marie, puis pour construire le méga complexe de Radio-Canada. Ce qui est resté... C'est un peu à rien, parce qu'ils sont en train de changer de place. Exactement, mais c'est que tu élimines une population littéralement, donc les commerces pouvaient pas survivre. Ouais. Donc, est-ce que le village, quand il est arrivé début des années 80, fin des années 70, est-ce qu'il y a eu un remplacement de population? Pas vraiment. La population était déjà déplacée. Les commerces, quand les premiers gays se sont déplacés là, c'est parce que ça coûtait vraiment pas cher. Hein. C'était un quartier ouvrier de 1, un quartier détruit de 2. Ouais. Donc, c'était d'autant moins cher. Ouais. Et au même moment... C'est pas drôle, mais c'est drôle. C'est vraiment pas drôle. Et ce qui arrive au même moment, c'est que l'État décide de construire des grandes institutions médiatiques, culturelles, et le monde homosexuel, queer, LGBTQ, QI, AA, 2+, etc., est quand même gravité depuis les débuts de son existence dans le monde culturel, puis la production de trends, puis tout ça. Même si les moons de Radio-Canada ont toutes fait leur coming out des années 2010, ils en avaient avant. Il y en avait, il y en avait beaucoup. Ça. Donc ça l'a attiré quand même ça aussi par la construction de cette cité des ondes-là. Mais est-ce que c'est pas aussi dû aux Olympiques de 76 quand ils ont commencé à faire un grand nettoyage dans le centre... Ben, nettoyage, c'est le terme que eux et elles employaient, là, mais à tasser toutes les tapettes, à tasser toutes les personnes en situation d'itinérance vers l'Est. Est-ce que ça n'a pas contribué à la création de ce village-là? Parce qu'avant, c'était Samhain. Ben oui, c'était Samhain, Red Light, c'était Peel aussi, c'était plus dans l'Ouest, c'était plus anglophone. Mais c'était des codes différents. Hein. L'époque du monde homosexuel, à cette époque-là, c'est un monde de codes. Le Hinckley Code vient de cette époque-là, entre autres. C'est un monde de bain public. C'est un monde de soirées. Il y a des horaires. Là. C'est vraiment différent comme dynamique de ce qu'on vit aujourd'hui, où est-ce que là, on a un lieu physique, littéralement. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les loyers moins chers, dans le centre-ville a pris de la valeur avec le temps, ça devenait de moins en moins intéressant. Les descentes policières, dans les années 70, ont fait en sorte qu'il y a eu un exode du centre-ville traditionnel et ça s'est établi là où c'était pas cher, là où il y avait des locaux libres, là où c'était facile d'ouvrir des débits de boissons. Puis c'était sur Sainte-Catherine, qui était un terrain déjà connu, parce que Sainte-Catherine, ben, vers l'ouest, était déjà connu. Donc c'était juste déjà un prolongement naturel, un déplacement naturel. Et les premières choses qui ont ouvert dans le village qu'on connaît aujourd'hui, à caractère vraiment LGBTQ, c'est des bars. Donc c'est une culture de rencontre, c'est une culture qui est autour du sexe et de la drague et de la rencontre entre hommes pour des relations basées là-dessus. Donc, c'est pas comme un petit village naturel là, avec sa petite église, puis son petit bureau de poste, puis ses petites institutions, là, la petite épicerie, puis tout ça. C'est vraiment axé sur la réalité de genre, la réalité sexuelle de la communauté. Donc, quand on me dit aujourd'hui qu'il faut faire attention pour pas trop vexer les gens puis pas aller dans une dynamique trop sexuelle puis pas la mettre trop de l'avant, ben c'est un peu dénaturer la nature du village. J'aime quand tu viens. Exactement. Oui, c'est exactement ça que j'avais en tête. Cette polémique-là s'est passée il y a environ 230 ans, mais parce que... Pour mettre plus de contexte, je pense que c'est quand c'était la nouvelle campagne de pub du village vers novembre, décembre, c'est où ça. Ils ont enlevé les boules puis ils ont mis... plus des espèces de taglines à. Oui, c'était comme des poteaux avec des taglines. Puis là, on s'est mis à crier au scandale parce qu'il y avait quoi? J'aime quand tu viens. Puis c'était quoi les deux autres qui avaient choqué? Il y avait fuck les étiquettes. Et il y avait. Il y en avait un troisième. Je pense que c'était j'ai les mamelons qui brûlent comme la chapelle de Notre-Dame. C'est celui qui a fait le moins de vagues, mais ils ont préféré l'enlever quand même. Mais pauvre, mais quand même, genre. Mais je trouve que c'est tellement parlant sur comme, tu sais. Est-ce qu'on peut parler de gentrification ou d'embourgeoisement? Non, mais je pense qu'on peut parler d'un espèce de truc de respectabilité gay qui fait que les gens veulent se distancier du village parce que là, ça, comme ça implique un truc très identitaire. Là, les gens sont comme passés outre ce besoin-là, puis ils sont au-dessus de ça. Puis je comprends aussi que le village, ça reste comme tacky, puis ciblé, puis figé dans peut-être les années 90-2000. Puis que c'est vrai que les besoins de la communauté changent, puis que le village change pas rapidement. Oui, ben... Mais en même temps, comme « Bitch, you really think you're better than that? » Genre, tu penses que t'es tellement au-dessus de ça que genre tu veux pas entendre des choses à caractère sexuel parce que les oreilles te frisent. Fuck that shit, bitch. Alors que c'est la nature même. Ben oui, fuck that shit, bitch. Là, t'es sur le G toute la fin de semaine à genre comme faire plein d'affaires que t'as envie de faire. Oui. C'est juste que devant public, tu veux genre garder mais la face. Mais c'est très lié à... comment l'homosexualité a été acceptée dans la société canadienne aussi. Hein, parce que le premier ministre Trudeau, à l'époque, il avait dit, pas celui actuel, le premier, le père de l'autre, Premier de la dynastie, le premier du nom. Pour justifier la décriminalisation de l'homosexualité, il a dit que l'État avait rien à voir dans la chambre des habitants. La chambre à coucher. OK, parfait, c'est beau. Mais le problème, c'est que ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a un problème si ça sort de la chambre. Ben, c'est ça, moi, je peux-tu faire des pites dans la ruelle? Non. C'est ça. According to Pet, non. I mean, according to Pet, mais genre... Mais la réponse générale, c'est oui. La réponse générale, c'est oui, oui, là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, oui, l'arrivée du village a quand même changé la face de Centre-Sud, mais les hommes gays qui soit sont déménagés ou fréquentent le village suffisent pas à faire de Sainte-Catherine une artère commerciale dynamique et auto-fonctionnelle en tant que telle. Fait que la Société de développement commercial du village, parce que oui, there's such a thing, s'est tournée vers deux solutions pour ramener des touristes de l'extérieur et des Montréalais at large. Oui. Fait qu'on a une grosse promotion du tourisme, puis une piétonnisation pour que les Montréalais aient envie de venir chiller sur Sainte-Cat. L'élément destination, là, il est vraiment important à prendre en compte dans la dynamique du village, puis dans l'histoire du village. Parce que, bon, le village naît environ début des années 80 par les premiers bars. Ouais. Ça reste une communauté très locale qui s'y rend. Mais en 93... la ville de Montréal se rend compte qu'il y a une occasion de créer un pôle de destination. Ils sont comme, we hate gays, but if we can monetize it... Mais là, on a gagné la Coupe Stanley cette année-là, c'est la dernière fois. je peux pas croire que j'ai dit ça deux fois le matin. Mais oui, c'est ça. Non, je suis, on va-tu l'avoir la Coupe Stanley, Jess? Et je m'en vais. Non, mais pour reprendre ton anecdote, le mythe que le village meurt, le mythe que le village va disparaître, c'est un peu comme le mythe que les expos vont venir puis que les Nordiques vont venir. Ouais, on en parle depuis 20 ans. Ouais. Chaque année, quelqu'un dit « le village se meurt, le village va disparaître ». Qu'est-ce qui se passe? Le village reste, le village se renouvelle, puis le village évolue aussi. Mais ça, là, c'est pas les... en tout cas, j'ai un certain respect pour certains commerçants et commerçantes, mais comme il y a à Montréal, j'ai vraiment l'impression que les commerçants et commerçantes de la rue Saint-Denis, de la rue Sainte-Catherine, de presque toutes les grosses artères commerciales, ne semblent de plus pouvoir de la disparition de leur artère, et ça semble comme... Je sais pas si c'est vrai avec le village ou si c'est une idée comme Atlarge à quel point c'est vrai, mais j'ai un peu l'impression que tout le monde pense que la place où ils sont va disparaître. Il y a pas une espèce de conservatisme là-dedans? Il y a clairement... évidemment, les gens sont réfractaires au changement à la base. Hein. Oui. C'est naturel. Ben, c'est naturel. Il faut le combattre à un point parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Oui, puis les façons de faire du commerce changent. Exactement. C'est là que je m'en allais. Exactement. C'est que le commerce au détail évolue depuis 20 ans à une vitesse jamais vue dans le siècle avant. Ouais. Toute la vente en ligne, c'est exactement ça à quoi on s'en va. Les artères se rendent compte que ça va pas bien. Les artères se rendent compte qu'ils ont des problèmes. Et une des solutions, c'est d'en faire des destinations. Uh-huh. Donc, de faire des ambiances puis des expériences différentes. Fait que j'imagine que pour ça, ça prend juste plus de place de parking pour être sûr que les gens puissent parquer leur char pour y aller. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. C'est exactement de l'inverse qu'on parle. C'est exactement un sur ce que tu viens de dire. C'est le contraire entièrement. Parfait. Parce que l'avenue commerciale avec ses petits trottoirs, sa mare d'asphalte, ses auto-parkings... Uh-huh. Il n'y a plus grand monde qui est intéressé à aller déambuler là-dessus, puis se pogner, puis encore moins aujourd'hui. À part les chroniqueurs du Journal de Montréal qui ne se peuvent plus, là, de la piétonisation, puis de Valérie Plante qui veulent nous force-feed les artères piétonnes. Les commerçants qui n'ont pas eu Internet depuis 1980 dans leur magasin, puis qui se demandent pourquoi leur business ne fonctionne plus alors que tout est online. Mais la SDC du village, là, pour leur donner ça, là, c'est une des SDC les plus visionnaires en ville. Ça a été les premiers à avoir la piétonisation. Ça a été les premiers, oui. Ouais. Et c'est une des plus solides qui existe depuis plus longtemps. Ouais. Parce que, justement, il y avait un besoin de consolider leur activité commerciale et c'est eux qui ont amené aussi l'idée de destination. Mm-hmm. C'est eux qui ont amené l'idée de pousser pour un aménagement différent qui puisse faire plus de place aux gens, rassembler le monde, parce que c'est ça, le cœur, le propre d'un village, c'est de créer des liens puis de créer une communauté. Puis qu'on se le dise, tout le monde aime ça faire sa slot walk dans le village. Là. Oui, juste tout le monde sur son passage. Il n'y a rien de plus plaisant que la journée communautaire où est-ce que tu peux justement rencontrer 300 personnes par pied carré puis changer d'outfit quand tu es rendu à Papineau puis faire le l'inverse puis revenir au complet. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas surprenant que la SDC du village ait été une des plus actives, une des plus longues, une des plus durables, parce que, étant donné que c'est le village gay, il y a un besoin communautaire sous-jacent à ça qui est vraiment pas le même que sur le plateau où il n'y a pas vraiment d'association de Français qui vont rester ici 3 mois. Il n'y a pas... Il y a un besoin réel d'avoir un espace qui nous appartient. Mais il y a aussi... Le tourisme rapporte incroyablement au village. Et ça, c'est une donnée très intéressante sur la communauté. D'ailleurs, il y a des mythes qui entourent la communauté qui vont dire, par exemple, « Le village se gentrifie à cause des moons. » Parce que les moons font plus de cash. Parce que on dépense différemment. Il y a un peu de vrai là-dedans quand même. Parce que, les données pour les salaires moyens et tout ça, là, ça c'est flou. Et avec une bonne raison, le recensement canadien interdit de demander l'orientation sexuelle des gens dans le recensement. Donc les données sont difficiles à sortir, mais c'est une bonne chose à la base. On apprécie qu'il ne puisse pas y avoir de profilage fait à partir de ces données-là. C'est correct. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des dépenses différentes. Donc les moons vont dépenser beaucoup plus en voyage que les hétéros. Puis aussi, ils ne vont pas choisir leur destination nécessairement en fonction de ce que la ville a à offrir en général, mais plutôt aussi de est-ce que c'est genre gay-friendly, est-ce qu'il y a des genre du nightlife, des fun, est-ce qu'il y a des choses à faire, tu sais. Exactement. Puis, il y a des liens naturels qui se sont créés aussi entre les pôles LGBT en Amérique du Nord. Mm-hmm. Toronto, Montréal, New York, San Francisco. Des villes incroyablement plus chères que Montréal aussi. Là. Oui, c'est avantageux pour eux de venir à Montréal. Pas juste en termes de taux de change en venant des États-Unis, mais aussi comme les Toronto Girls sont habitués à des prix incroyablement plus chers. Oui. Ils arrivent ici, ils portent 500$ de linge de plus que tout le monde. Ça dépense dans l'économie locale ici aussi. Oui. Puis, veux pas... Les moons montréalaises aussi ont des dépenses différentes de la communauté de la communauté. Du commun communauté hétéro. donc cette belle et grande communauté. Cette belle et grande communauté très organisée. Et eux, nous. D'autres, là. J'ai envie de parler à la troisième personne, parce que ça me concerne profondément. Du haut de ta chair. Exactement. On dépense en divertissement, restaurant, bar, beaucoup plus aussi en proportion. On dépense à peu près pareil en loyer. Fait que c'est pas vrai que les moons vont avoir tendance à acheter des condos plus chers. Par contre, on va payer un logement locatif plus cher que la moyenne. On a des revenus en moyenne un peu plus élevés. Mais je comprends aussi que, genre, d'être gay, tu peux pas te dire, ouais, c'est pas grave, je vais m'en aller à Tétroville ou à Pointe-aux-Trembles. T'es comme, tu veux être proche de là où ça se passe. Oui. Parce que, tu sais, même, tu sais, t'es encore, mettons, t'es dans Pointe-l'Est ou, genre, dans le West Island, t'es encore à Montréal, mais tu sais, comme, où la vie gay est fucking loin, tu sais. Puis juste la banlieue aussi, c'est beaucoup plus pour les familles. C'est sûr qu'elle se diversifie un petit peu, mais ça a toujours été le cas. Hein. Il y a toujours eu un petit pôle queer dans le Myland. Il y a toujours eu un débordement au niveau du centre-ville, là, historiquement. C'est moins le cas aujourd'hui. Là, maintenant, c'est plus Hochelag qui se passe des choses côté queer, LGBT. Exactement comme ici. Mais on est dans Hochelag. Le village demeure... Vous ne voyez pas, mais on est dans Hochelag. le village demeure le cœur de la vie LGBT, puis même si tu t'identifies pas au village, même si tu t'identifies à contrario du village, donc autrement dit en opposition au village, le fameux terme hors village, tu te définis quand même par rapport au village. Oui, c'est ça. Donc, ton point de référence est encore le village. C'est ça. Ouais. Fait que ton point de référence demeure le même. On sort jamais c'est du village. C'est quand même assez solide, ça, comme perception puis comme identité, même si c'est ta contre-identité, c'est quand même référence à ce point-là. Donc, je pense pas que le village va mourir. Non. Mais par contre, c'est sûr que comme artère commerciale unique, il faut faire attention pour pas que cette artère-là devienne une artère banale, une artère comme les autres, une artère avec des commerces qui sont les chaînes de X, Y, Z, aucun rapport avec la communauté. Et aussi, il faut que la réalité de la communauté soit tapissée à grandeur. Faut qu'on le voit. Il faut que ça soit perceptible dans l'espace pubis. Oui. Faut que ce soit vraiment évident. Puis d'ailleurs, une des choses qui est en train de se faire, ça vient de commencer aujourd'hui, là. V'là une couple de jours. Oui, en tout cas, au moment de publier ça. Confusion temporelle. C'est la transformation de la place de l'espoir qui va vraiment être transformée, qui était très renfermée sur elle-même qu'on avait tendance à même plus voir vraiment. Mais elle va être beaucoup de gens savent même pas. Il y a une histoire intéressante, hein, parce que c'est vraiment les militants d'ACT UP qui ont takeover ce parc-là pour en faire le parc de l'espoir. Oui. Exactement. Puis la ville a acquiescé. Ça s'est fait, je pense, en 97-ish. Et la première transformation, dans le fond, c'était un lieu de commémoration pour toutes les victimes du sida au Québec. Oui. Puis c'est quand même un dont lieu... les noms devaient être gravés sur les cubes noirs à la base. Ah oui? Oui, c'était ça le projet. Ah oui. Bon, ben, hein. Moi, à mon avis, il aurait dû le faire. Parce que c'est le genre... Il faut personnaliser les crises pour se rappeler que c'est quelque chose d'humain à la base. Hein? Parce que sinon, on est dans le domaine de la statistique, puis on est dans le domaine des chiffres flottants dans l'abstrait. Là. Puis ça nous détache de la réalité réelle. Il y a des gens, aujourd'hui, qui vont s'asseoir à la place de l'espoir pour penser à leurs amis disparus. Qui sont encore en vie, c'est ça l'affaire. Ça fait pas assez longtemps pour que genre ces gens-là seraient en vie en ce moment. Là. C'est ça qui est trash. Exactement. Là. Fait que c'est un lieu, c'est vraiment là, un petit... mémorial, un petit cimetière qui est très important puis qu'il faut valoriser. Puis c'est ça que la ville a décidé de faire et de transformer et d'ouvrir et de rendre beaucoup plus facile d'accès puis beaucoup plus présent aussi dans l'espace public. Moi, j'ai une belle anecdote sur le Parc de l'Espoir. J'ai peur. Quand je suis... En fait, j'étais dans une situation de marde quand la COVID a commencé. Fait que j'ai dû... je pouvais pas toucher la PCU à la base. Fait que là, j'ai dû m'inscrire au bien-être social. Puis mon bureau de bien-être social était dans le village. Uh-huh. Fait que là, en sortant de mon bureau où j'ai fait ma demande, qui était un processus très digne et très le fun pour obtenir même pas 700$, je suis sorti de là. Puis là, c'était complètement désert parce que tout le monde était confiné. Puis je veux dire, il y avait personne là. Fait que... Il y a juste les gens qui, normalement, vivent dans la rue, à qui la rue appartenait complètement parce qu'il n'y a plus de monde. Puis, dans le Parc de l'Espoir, en plein jour, à peut-être midi, t'as juste quelqu'un qui a baissé ses culottes puis qui a chié à terre. Oh! Moi, j'étais comme, you know what? Espoir. Ben, l'espoir, c'est ça. J'étais comme, la ville à ceux à qui elle appartient. Très bien. J'étais comme, OK. You do you. My God. Alors ça, c'est vraiment un bon segue pour terminer ce premier segment. Alors en réfléchissant à ces gens qui chient littéralement à terre, on va aller faire notre BA et on va aller se chercher un café au Sauna Centre-Ville pour offrir quand même un petit eye candy aux trois personnes qui sont là. Et on vous revient over café. Je me semblais que ça semblait. Oui, c'est ça. Fait que pour les trois piliers du Sauna Centre-Ville qui étaient là à nous observer, ils ont pu apprécier la vision de nous en serviette en train de siroter notre café filtre. Puis on the way out, on a réussi à leur voler le reste de belle enseigne en néon Sauna Centre-Ville. Truly la seule affaire qui vaut la peine là-bas. Oui. Une relique. C'est beau des piliers. Alors, même si la gentrification est quand même moins massive qu'ailleurs dans la ville, je pense qu'il reste quand même beaucoup de tensions sociales qui sont pas moins vraies dans le village. En fait, c'est littéralement la raison pourquoi ce quartier-là n'est pas gentrifié comme d'autres. Mm-hmm. La présence des institutions qui, dans le fond, autour desquelles gravitent certaines strates marginalisées de la population, et c'est à côté. Là. Cette présence-là parce est que la majorité, de ses voisins. La majorité des organismes qui viennent en aide aux personnes qui utilisent des drogues ou qui sont en situation d'itinérance sont dans ce quartier-là. Oui, c'est dans l'est du centre-ville. Juste à côté, c'est vraiment à distance de marche. Donc, nécessairement, ces populations-là se mêlent à la population plus aisée du quartier. Et bien, évidemment, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a, il y a des commerçants qui n'aiment pas ça. C'est ça qui est trash. Il y a des habitants qui n'aiment pas ça. Et... ben c'est plate qu'ils n'aiment pas ça, mais il faut ces institutions-là à cet endroit-là. Mais oui, c'est ça. Quand il était question d'avoir une piquerie dans le village puis que genre les commerçants se sont enflammés, le collectif Carré Rose qu'on porte dans notre cœur, qui a une place spéciale, on leur a réservé un spot en enfer le plus chaud pour qu'ils puissent comme brûler en premier. Moi, le plus frais, s'il te plaît. Encore plus désagréable. Ah, OK, parfait. Moi, j'aime le collectif Carré Rose comme j'aime un bon massage avec une robe à fromage. Là, c'est yes! Même affaire. En plus, sur leur page Facebook, maintenant, ils font juste partager des affaires de Madonna. Je suis comme, c'est une vieille tapette. Là. Ils sont tellement déconnectés. Anyways, mais c'est ça. Tout ça pour dire que il y a un truc où il y a une certaine vision des commerçants du village où ils voudraient en faire un lieu. Puis là, ils utilisent tout un langage de sécurité, en fait. Oui. Ils appellent à à plus de police parce qu'ils peuvent comme pinpoint des agressions homophobes qui se sont produites, qu'on fait un lien gros comme le bras où parce qu'il y a des populations marginalisées, ces populations-là sont pas LGBT et nécessairement hostiles aux personnes LGBT. Uh-huh. C'est un stretch, là. C'est vraiment un stretch. Seulement un stretch, mais c'est carrément mensonge. C'est complètement faux. Là. Surtout que ces personnes-là sont juste en train de survivre. Genre, they couldn't care less. Là. Exactement. Ils s'en calaissent. Puis aussi, on peut te rappeler qu'il y a plein de personnes LGBT en situation d'itinérance juste parce que, par la nature de ce que c'est être une personne LGBT, ben oui. Ça vient avec des conflits avec la famille. Ça vient aussi avec des gens qui viennent de très loin en région avec pas grand-chose, qui se retrouvent dans des situations dans marde. Fait que, tu sais, comme d'opposer. Un autre élément d'importance d'existence du village. Mais c'est un énorme. Importance pour les gens qui viennent d'ailleurs de Montréal, que ce soit des gens qui ont moins de moyens, qui sont en situation un peu de crise dans leur existence, que ce soit des gens qui décident carrément d'immigrer à Montréal pour des raisons économiques ou autres, et qui sont de la communauté, et qui ne sont pas habitués à avoir une acceptation dans leur communauté d'origine, le village, c'est un crise de Beaufort. Là. Ça devient un point de rassemblement évident et facile à atteindre. Où tu vas retrouver ta communauté et où tu vas probablement pouvoir créer des liens que tu n'aurais pas eu ailleurs. Puis tu sais, comme on a parlé, on l'a abordé un peu, puis on va revenir un peu là-dessus. Là, on a parlé du tourisme dans le village, puis de la promotion qu'on en fait comme étant une destination. Ça a quelque chose d'un peu pinkwashing. On va montrer le village, on va montrer qu'on a donc un beau quartier gay, puis qu'on peut marcher main dans la main. Hein, c'est ça la finalité de nos luttes. Mais dans le fond, tout ça, c'est un peu hypocrite parce que rendu dans le village, comme Charlie vient juste de le souligner, on va s'attaquer à des personnes en situation d'itinérance qui ont de fortes chances d'être LGBT mais et autres. Oui, puis en fait, c'est qu'on a la preuve depuis des décennies, pas des décennies, mais une couple de décennies, que la cohabitation est possible. Parce que c'est ça qui se passe, littéralement. Puis les services sont là. Il y a une destination, qui est le village, il y a une mixité de population, il y a une mixité sociale, et ça enrichit l'espace, ça enrichit la culture de ce coin-là. Ben oui, puis les moon pass out sur le Jeep, sur l'ecstasy, genre en sortie du stéréo, ils sont bien plus aptes à genre donner des clopes puis donner du change aux itinérants. Tu sais, comme ça va, là, ça cohabite, là, c'est chill. Je veux dire, on se reconnaît un peu « on freak », je mets des guillemets là-dessus, surtout, en tout cas, si t'es minimalement politiquement éduqué en tant que personne queer, tu le sais que t'as toi-même des chances plus élevées de te retrouver en situation d'itinérance. On est tous plus proches de n'importe quelle personne en situation d'itinérance qu'on est de Jeff Bezos ou n'importe quel millionnaire, là, milliardaire. Là, on va prendre Sergakis, qui est notre Jeff Bezos du village. Calice de tabarnak. Vous ferez vos recherches, savoir c'est qui. C'est quoi, Serge Sergakis? Moi, je me souviens. Ouais, je pense que c'est Serge, mais en fait, ils ne feront pas leur recherche. Mais il y a quand Todd Marr, je pense, son prénom. Todd Marr. C'est un homme de contradiction là, parce qu'il détruit des commerces, il détruit des pratiques commerciales concurrentes. Il est vraiment bulldozer à sa manière. Mais il possède la moitié du village, là, pour ceux qui ne savent pas. Là. Et la moitié du centre-ville au complet. Oui. Ouais. Et par contre, il donne beaucoup financièrement, étrangement. Ouais, mais la charité privée, là. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est la philanthropie. Mais c'est ça, puis c'est aussi, une culture genre, qui n'est pas nécessairement encouragée parce que ça délaisse les pouvoirs publics de leurs responsabilités envers la société. Je paye mais pas aussi d'impôts, mais j'ai donné 100 000 piastres à un organisme. Mais tu sais aussi, ils donnent à qui, tu sais, c'est tout le temps plus, plus beau puis le fun dans, genre, ton rapport de dire que t'as donné à une fondation qui aide les enfants malades que de dire que t'as, genre, donné à, genre, une fondation, ben pas une fondation, mais tu sais, un organisme, genre, paré pour des sex workers ou genre. Oui, c'est sûr qu'il a pas donné une pièce à Stella. Oui, non, j'ai pas son rapport d'impôt devant mes yeux pour. Mais c'est ça, tu sais. Mais en termes de. Ça va tout dans le paraître, tu sais, quand même. Oui. Mais c'est fou quand même comment une bonne partie de la population s'est mobilisée aussi derrière les commerçants quand ils ont demandé plus de présence policière dans le village, dans une espèce de panique de on se fait attaquer, il y a des agressions homophobes. Ce qui est quelque chose de vrai. Il y a eu des agressions homophobes. C'est très paradoxal hein, d'avoir une dynamique que des commerçants qui veulent éliminer la nuisance visuelle et autres. C'est un quartier qui est aux portes du centre-ville. Ouais. C'est un quartier qui est déjà une destination touristique marquée. Si tu veux que ton loyer te coûte le triple, si tu veux que ton commerce meure au bout de 5 ans, c'est exactement ça qu'il faut, enlever la nuisance. Ouais. Parce que les loyers en ce moment dans le village sont plus bas. Ça profite aux commerçants, ça profite aussi aux populations marginalisées, ça profite à tout ce bassin de mixité. Ben, s'il y a un des éléments qui tient cette structure-là en place qui est enlevée, mais la structure s'effondre. Puis là, tu vas avoir une vraie vague de gentrification. Ah oui, un village tout propre là, à la Torontoise. Ouais. Ah ouais, les loyers. Là. Exactement. Puis, tu sais, on a beaucoup tourné autour du tourisme. Puis Charlie posait la question un peu directement qui était, Parce que là, on a convenu que le village n'est pas un cas classique de gentrification. C'est un peu difficile de parler de gentrification quand on parle du village. C'est pas exactement le bon terme. En tout cas, c'est ce que je sens un peu. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une gentrification par le tourisme? C'est pas... Il y a ce risque-là. Il y a clairement ça un pourrait risque. Devenir Airbnb Town. C'est un paradoxe. Town, hein? C'est vraiment un paradoxe parce que, d'une part, tu as une volonté d'en faire une destination touristique. Mm-hmm. Puis cette destination-là touristique, c'est un peu ce qui va assurer l'unicité du village. Ouais. Puis sa survie en termes. Hein? Ouais, ouais, ouais. Donc, le fait que cet endroit-là est unique parce que c'est le village gay et qu'on en fait la promotion, ben ça va contribuer au fait qu'il va se pérenniser dans le temps. Ouais. Puis qu'il va devenir un lieu clé, inscrit dans l'histoire de la ville, parce que ça fait pas longtemps qu'il existe. Hein? Ouais. Les dynamiques sociales peuvent changer, il peut y avoir une transformation du tissu urbain, et en fait, il y a un risque que ça ait lieu, et on va en parler au prochain segment. Ah oui! Ah, oh, ça s'en vient, là! Oh, on vous garde du suspense! Ah oh, oui! Oui, OK, mais quand même, on parle des années de gloire du village qui sont plus vers 90-2000. Est-ce qu'il y avait assez de monde à son pic pour qu'on assiste à un exode? Est-ce que les gens vont plus vers le village? Est-ce que les gens ont plus besoin du village? Parce qu'on l'a dit, le terme hors village ou se ouais. définir en opposition au ouais. village, c'est quelque chose qui existe puis qu'on voit beaucoup. Puis aussi, on peut penser avec tout ce qui est application de rencontre ou tous les trucs qui font qu'on n'a plus besoin techniquement. Oui, le village était le grinder de ça. L'époque. Hein, oui, back in the days, physiquement, c'était ça. Back in the days, ta slot walk sur Sainte-Catherine, c'était ta seule chance de scorer. Exactement. Le bar là, à l'Aigle Noir ou au Cox ou au Trucks ou à tous les autres clubs, le parking ou tous ces clubs-là. Ah, le parking! Non, c'est là, le cri du cœur de Jess. On mentionne pas le parking de même. À brûle pour point. Ça prenait un trigger warning. Trigger warning, mais oui, non, c'est ça. Où c'est que je m'en allais avec ça? Là, au parking, tu t'en allais au parking. Exactement. J'ai été là une fois dans ma vie, non, ça a fermé deux semaines après. Moi, je suis trop jeune. Je suis jamais allé. Vous avez tout manqué ça. Jamais allé. Vous avez tout manqué ça. Tragédie. Je sais pas si c'était légal. Non, on disait que Grindr, que le village, c'était le Grindr de l'époque. Oui, bien c'est sûr que Grindr et compagnie ont changé la dynamique. Puis ont fait en sorte que les rencontres, ça se fait plus nécessairement par l'entremise d'un lieu physique. Puis, il y a toujours eu des mounes qui n'habitaient pas dans le village. Oui. Ah oui. Puis, d'ailleurs, le village, à son existence, là, les mounes qui allaient habiter dans le village, là, c'était à leur risque et péril. Hein, parce qu'il y a eu des descentes policières. Il y a eu de la violence et il continue d'en avoir d'ailleurs. Oui. Mais c'est pas parce qu'il y a un village gay que c'est un château fort. Ouais. Que c'est un lieu de protection. Non, ouais. non. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sociabilisation. C'est un lieu que tu es proche de tes institutions, mais ça restait un lieu qui était quand même dangereux. Et c'était vraiment ballsy d'aller habiter dans le village puis de t'afficher publiquement dans cette communauté-là parce que ça pouvait avoir un impact sur ta famille, ça pouvait avoir un impact énorme sur ta carrière. Donc, vraiment... Parce que le village marque l'imaginaire quand même. Là. Oui. Tu parles, tu parles du village n'importe où au Québec, on sait de quel village on parle. On sait que c'est le village gay. Oui, on sait que, t'sais, fait que d'habiter pas loin de Sainte-Catherine-Est, ça envoie un gros message. Exactement. Oui, si tu dis j'habite de la Visitation Sainte-Catherine sans même dire le village, les gens vont faire comme non, c'est ça. Fait que le village a jamais été un château fort, ça n'a jamais été un lieu de protection. Il y a toujours eu des, comme tu disais à un épisode précédent, les bonnes mounes, les mauvaises mounes. Ouais. Donc ça revient dans le discours aussi aujourd'hui. Avec ou sans plumes dans le cul. Refus du village, avec ou sans plumes dans le cul, ouais. avec de préférence. Je suis tellement content que ça existe l'expression des plumes dans le cul. Je pense qu'on s'en sert à chaque épisode. Mais c'est tellement niaiseux. Mais en même temps, c'est super parlant parce que c'est quelque chose que les gens utilisent tellement couramment puis je sais pas d'où ça... En tout cas... Écœurant. Fait que là, exode ou pas exode? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que les gens sont en train de fuir le village? Moi, je pense que il y a quand même un truc dans des générations, tu sais, plus les jeunes millennials, Gen Z, où il y a moins un attrait de sortir dans le village si t'es montréalais. Ouais. Parce que de toute manière, tu peux être en réseau avec des moons tout le temps. Je pense que c'est vraiment plus un truc où quand tu vas ailleurs... Quand tu viens pas de Montréal, si tu veux voir de la moon puis faire des affaires, tu comprends que c'est au village que ça se passe. Tu peux quand même sortir entre amis, mais je pense qu'il y a plus une dynamique où les gens sortent entre chums puis qu'il y a pas nécessairement... Tu vas pas là pour trouver ta communauté. Tu y vas avec ta communauté. C'est sûr qu'à Montréal, il y a plein d'options. Puis on sait qu'on va être bienvenu dans des dizaines de bars, dizaines de restaurants, les parcs et compagnie. On se fera plus... ostracisé, disons, autant, parce qu'il y a encore une certaine ostracisation. On se rappelle quand même, c'était le Saint-Sulpice, je pense, c'était en 2014 ou 2015, qui avait calissé des gars dehors parce qu'il était en train de make-out, puis que c'était trop scandaleux, puis t'es comme, Chris, t'as plein de gars, genre, c'est sûr là, que toi, fin de semaine, il y a des gars qui posent des gestes indécents sur des filles qui veulent pas ça, puis ça, ce sera jamais, on mettra jamais un stop à ça, puis ça, c'est normal. Mais c'est le Saint-Sulpice, il donnait aussi des manifestants à la police. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait au Saint-Sulpice. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Let it burn. Là. Oui. Ben, oui, ça, oui. Carrément, il n'y a pas eu un incendie, là, deux semaines. En tout cas, peu importe. Je ne clame aucune responsabilité. Moi, j'ai juste dit let it burn comme ça. Je veux pas. Mais bon, c'est ça. L'ostracisation, tout ça, l'ostracisme, je ne me souviens plus c'est quoi le mot exactement. Mais ça, la langue, c'est celle qu'on parle. Existe beaucoup moins. Vraiment, vraiment beaucoup moins à Montréal. Donc, on est à l'aise de sortir à plein d'endroits. Ouais. Le village n'est plus un must, nécessairement. Mais moi, je vais vous le dire, là, je l'ai. La solution pour que le village survive à Grindr, je l'ai, puis je vais vous la dire maintenant. Non, mais pour vrai, moi... J'ai je... encore peur. Moi, là, puis vous savez à quel point I live for a backroom, là. Oui, puis oui, moi, oui. Je pense que à Montréal, en fait, ce qui empêche, c'est que le permis d'alcool et le permis d'unité, c'est deux permis différents oui. qui sont très difficiles à obtenir conjointement. Oui. Puis... Sauf au Normandie. Sauf au Normandie. Oui. Au Normandie? Tu peux être tenu au Normandie. Hein, parce qu'à l'époque, tu pouvais. Je sais pas si on renouvelait leur permis. Ouais, mais le Normandie, ça a été ouvert room, dans les années 80. Puis ils doivent avoir des droits acquis, eux autres, personne d'autre. Room. Tu peux faire des affaires au Normandie que tu peux faire nulle part ailleurs au Canada. Oui. Donc, moi, je pense que s'il y avait une plus-value de pouvoir consommer sur place, je pense que ça pourrait attirer du monde. Parce que vous savez comment je suis pas une take-out girl. Je mange au resto. La plus-value peut venir aussi de l'architecture et de l'espace public. Okay, de l'aménagement urbanistique. Ben oui, aussi, et là, whatever. C'est là que je trouve qu'il y a quand même un point important, c'est que la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine, ça s'est fait très à moitié. Ouais. On a transformé la rue Sainte-Catherine en rue piétonne. C'est faux, c'est pas vrai. On a piétonisé la rue, mais on n'a pas transformé la rue. Ça reste une rue plate avec ses trottoirs plates, puis son asphalte plate, puis ses îlots de chaleur plates. Ouais. Et oui, on a accroché des magnifiques boules pour justement éviter de regarder au sol parce que c'était laid en crisse. Puis pour cacher les façades qui tombent en ruine. Ouais. Donc, il y a quand même un élément physique. Quand tu as un quartier qui est beau, qui a de la gueule, ben peut-être que tu vas avoir plus le goût d'y aller. Et quand tu as un espace public qui permet des plus grandes terrasses vastes, qui a des points justement de relaxation, mobilier urbain, ça devient pas mal plus agréable. Tu sais, j'ai été Mont-Royal, cet été vrai, sur la place des en festivals. En deux secondes, là, ils en ont eu tellement plus. Exactement, la place des festivals, ça fonctionne super bien ce qu'ils ont fait, malgré qu'il n'y a pas énormément de gens qui vivent nécessairement proches. Ouais. Il y a plein de familles qui y vont à cause des fontaines puis tout ça. Fait qu'il y a quand même un attrait. C'est quand même beaucoup de béton, là. C'est encore très français. C'est quand même encore très... Oui, parce que ça a été créé pour des événements à grand déploiement, pour les festivals de dizaines de milliers de personnes. Pour les gens qui ne savent pas, la fixation sur le béton à Montréal, là, c'est vraiment parce que ça fait français. Ah ouais? Ouais, à l'époque, on disait les affaires en fer, c'est anglo, là, c'est de l'architecture anglaise. Fait que nous, on fait tout en béton. Ah. Ouais. Ça, ben ça, c'était Jean Drapeau. Là. Je dis pas que c'est un grand historien de l'architecture, Jean Drapeau. Il a peut-être parti sur une coche, là, mais c'est genre, il y a eu une espèce de... On fera une émission là-dessus. Mais, on pourra en parler pendant plus longuement. Mais même les promoteurs, à un moment donné, se sont mis. Je pense, je sais pas pour critiquer l'événement, mais le MPU, le Mec Plus Ultra, à l'époque, quand ça a commencé, leur gros outil de promotion, c'était un événement gay hors village. Mais encore là, ils se définissent en fonction du village. Encore là, oui, oui. Et ça reste... plein de choses avec le Love House de nos jours. Exactement. Did y'all really left the village? Ou genre, vous êtes... Tu sais, il y a ça aussi, il y a quand même une petite définition. Tu peux sortir la moune du village, mais t'as-tu sorti le village de la moune? Non, puis je pense que c'est pas vraiment possible de faire ça. Non. Mais il y a l'autre élément qui rattache au village, même les plus récalcitrants à aller au village, ben c'est la Pride. Ouais. Puis les événements, donc les événements clés là, qui marquent l'année, notre année, ben c'est eux qui nous ramènent. Même si tu sors pas au village, tu vas quand même aller faire un tour. Il y a bien du monde qui vont se pointer, qui ont jamais mis les pieds dans le village les semaines avant. Ils vont pour ça. Mais là, même fierté, là cette année on l'a pas expérimenté, mais même fierté, c'est fait sortir du village. Ben c'est ça. Et là, on est rendu au parc des Faubourgs, on est rendu de là. Le parc des Faubourgs, par contre, ça reste. Dans le disons, dans, c'est unique le parc des Faubourgs parce qu'il ne se passe rien d'autre. Donc, on peut lui donner une étiquette village. On peut taguer que le parc des Faubourgs, c'est le village parce que ça n'a pas encore d'identité. C'est un peu flou dans l'histoire de l'imaginaire physique là, des quartiers. Puis c'est un parc où, genre, thank God, il s'est passé ça parce que comment que c'est aménagé, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Sérieux. En fait, les gens ont appris l'existence du parc des Faubourgs probablement grâce à la fierté parce que moi, j'ai habité dans le centre-sud toute ma vie puis je suis passé en avant de là. Moi, je l'ai appris pendant la pandémie parce que le parc La Montagne était bien trop plein. Je pouvais pas aller m'asseoir là. J'ai été au parc des Faubourgs. Puis, bien de l'espace, bien de l'espace. Ouais. Les arbres sont sont devenus malades. Oui. Fait qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ça fait pitié un peu. Mais tout ça pour dire que le parc des Faubourgs, on peut l'inclure, on peut stretcher puis l'inclure dans le village. Puis en termes d'identité du quartier, on l'a annexé, ça marche. Là. On l'a annexé. Quand on me dit qu'on va faire les shows de la fierté à la place des festivals, là j'ai un gros problème. Parce que là, la place des festivals, il y a déjà une identité très forte, il y a déjà quelque chose d'ancré et de... Son identité est formée. Là. Ça fait partie du centre-ville, ça fait partie du quartier des spectacles. C'est un monde qui n'est pas le monde LGBT. Puis mettre ça à la place des festivals, c'est literally comme si on invitait les Madame de Brossard. Là. Exactement. Puis c'est dilué l'importance du village physiquement, là, le lieu, dans la pride et dans l'élément de la fierté qui est à la source de notre festival à nous. Puis ça dilue aussi l'aspect politique de la pride parce que, bon, à Montréal, on a un beau problème. La pride, c'est comme un festival, fait que c'est le fun, ça dure 12 jours, je pense, chaque année. C'est juste que là, ça va être réduit à seulement un festival. Oui, oui. Si tous les éléments de revendication, les luttes qui sont mises de l'avant, ben c'est... Même d'un point de vue plus large, tu sais, avant le festival Juste pour rire, c'était sur Saint-Denis, là, c'était pas. Fait que là, tous les festivals. Allez, on s'en crisse. Sont rendus à la même place. Fait que, en tout cas, pour les autres festivals, je m'en calisse un peu, mais comme ça leur fait perdre un peu une partie de leur identité quand même. Oui. Fait que pour la fierté, ça serait. Parce que la fierté, c'est déjà un événement identitaire en soi. Fait que si on enlève de plus en plus les couches de sens qui viennent avec la fierté, ben là, ça va devenir. Non, puis aussi, c'est vraiment plus... Tu sais, comme déjà que en festival, c'est cher s'acheter une bière, un lunch. Ouais. Ça, à la base des festivals, c'est encore plus cher. Oui. Tu sais, puis comme tous les commerces autour sont vraiment plus dispendieux. Oui. Puis aussi, ce qu'ils vendent sur le site, ils peuvent jacker les prix parce que c'est à la place des festivals. Puis la place des festivals, là, après ça, tu sais, mettons, le show fini, là. Où c'est que le monde s'en va? Il faut qu'ils traversent toute Sainte-Catherine. Il faut qu'ils traversent trois stations de métro pour se rendre au village. Parc des Faubourgs, au moins, tu peux faire trois petits coins de rue, faire une pipe à droite, une pipe à gauche. Ben oui, le viaduc est pas loin. Puis t'es rendu à Sainte-Catherine, puis là, tu sors, tu vas prendre ta bière pour nettoyer un peu l'intérieur de ta poche. Puis, ben, ou tu passes à autre chose. Ou pas. Gargarise pas, là. Prends une gorgée de tabac. Ah oui. Non, mais non, c'est clair. Tu craches pas, voyons, non. Même si c'est de la bière à 5$. Je l'ai dit à ce micro et je le répète, aussitôt coulé, aussitôt avalé. Tabarnak. Sur ce, je pense qu'on va aller se pogner un café au Mec du Lodil pour aller le boire devant feu le Bourbon en regrettant le Club Sandwich, un des plus beaux diners de Montréal, et on vous revient au Over Café. Donc, les intervenants et intervenantes sociaux du Mec du Lodil offrent vraiment un service fort courtois. Puis on a vraiment broyé comme des madeleines devant les ruines du complexe Bourbon en s'imaginant les meilleurs moments de Mascara la nuit des dragues. Et maintenant, on est prêt à cracher tout notre venin sur les maudits promoteurs de condos de luxe sales. Pas propre! Mm-hmm. On les haït. Pour les seuls qui ne sauraient pas, c'était quoi le complexe Bourbon puis qu'est-ce que ça représentait pour le village? Le complexe Bourbon, c'était tout. C'était tout. C'était un énorme complexe complètement bigarré avec des styles, des couleurs, des patentes, des machins. Inspiré de Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans. Exactement. Et il y avait un hôtel. Il y avait des bars à thème. Il y avait sûrement un tiki là-dedans. Ça devait être absolument magnifique. Il y avait le Club Sandwich. Il y avait des terrasses extérieures. Il y avait des restaurants. Il y avait plein d'activités possibles, imaginables dans un énorme complexe. Ces complexes-là, il y en a eu plusieurs en Amérique du Nord et ils ont tous disparu les uns après les autres. Le principe du centre d'achat meurt. Exactement. Puis de toute façon, c'est que ton bar, tes identités de bar, tu préfères les avoir dans des lieux carrément différents. Puis les avoir dans des lieux là, qui sont gérés par du monde différent, qui savent leur business, puis que ça avance, puis qu'il n'y a pas un pied carré trop grand à remplir constamment de monde. Puis que, au final, il est trop vide, puis tu fais pas de cash, puis tu payes pas tes taxes. Puis c'est ça que c'est passé, puis on peut en paix avec ça aussi. Et la structure du Bourbon, apparemment, avait énormément de problèmes. Il y avait carrément un wagon de train dans cette bâtiment-là. Oui. Le Club Sandwich était dans un wagon de train qui était glissé à l'intérieur de la porte cochère. Maman! Je jure. Mais en tout cas, c'était un bijou architecturistique. C'est beau, par exemple. Dans la même catégorie d'endroits, on a perdu le Drugstore, qui était en fait un peu sur le même modèle. Oh my God, il est encore physiquement là, puis il y a un potentiel, puis lui, il y a un potentiel de renaissance. Ouais. On, faut pas le lâcher. Prions. Faut pas le lâcher. Mais oui, donc le Bourbon, c'est un gros problème justement de la confiance qu'on met entre les dans les mains des promoteurs pour faire des choses intéressantes pour la société. Parce que Coderre a juste fait comme « Yes, girl, tu exactement, fais ce que tu veux. » Oui, il n'y a pas eu d'entente. Ils ont carrément modifié le règlement d'urbanisme pour permettre plus gros, plus haut, ah, oui, oui, pour il ce était, site-là. Il était comme tu veux le double du maximum de hauteur permise. Ah ouais, la grande, fais ce que tu veux. Et la seule garantie qu'il y avait, c'était une petite promesse verbale de dire « Ah oui, on va essayer d'aller chercher des organismes communautaires pour être dans les locaux, puis ça va être des logements. » Finalement, c'est pas des logements, c'est 100 condos. Ouais, ouais, c'est des condos présentés comme étant du quand même haut de gamme. Ouais. C'est pas du luxe, mais c'est plus que du moyen de gamme. Ouais. Et aussi, les locaux d'organismes, le promoteur a offert aux organismes, littéralement, il a quand même été discuté avec des organismes pour de vrai, mais il offrait un prix trop cher. Oui, quand même un prix réduit. Puis en plus, c'est seulement pour 3 ans. Et quand après 3 ans, ça on monter, arrive au prix du ça. Marché. Puis t'es comme, ben là, on va pas déménager c'est pour ça. 3 ans. Ça n'a pas d'allure. Ben non, c'est ça. Exactement. Ça n'a pas d'allure. Par contre, le Bourbon, disons que architecturalement parlant, c'est sûr qu'il y a pire. Donc, on a vu pire. Donc, en termes de building, c'est pas une catastrophe, ce qui s'est passé. C'est quand même lettre. Je suis beaucoup plus... C'est quand même lettre. Attends, il y a un beau petit parc derrière, fucking cute. Là, maintenant, t'as juste oui, la grosse vrai, structure en verre. C'est sûr que c'est extrêmement massif. Puis en fait, ça, c'est un gros problème à Montréal. C'est que l'identité architecturale de la ville, c'est défini dans l'histoire par des rythmes verticaux rapprochés. Oui. Oui. Donc, t'as tes duplex, tes triplex. Même dans le Vieux-Montréal, t'as tes buildings là, qui sont toutes cordées un après l'autre. Oui. Puis c'est plus un rythme vertical. C'est plus une échelle humaine. Il y a une diversité de finis. Il y a une diversité, il y a des balcons qui sortent, il y a un changement dans la trame qui se fait. C'est pas des longues façades interminables qui sont plates à marcher, qui sont froides, puis qui donnent une impression là, que ça te prend l'éternité de te rendre au coin de rue. Mais ce qu'ils ont fait avec le Bourbon, c'est un peu ça, malheureusement. Ils auraient dû vraiment morceler la façade puis dire « OK, on fait un gros bloc, on veut rentabiliser. » Parce que c'est vrai que le terrain est cher, fait qu'il faut que tu rentabilises si tu veux construire. On peut poser la question, est-ce qu'il fallait construire? Oui. Ça, c'est une question c'est qu'on peut poser. Est-ce que la ville aurait pu juste racheter le terrain? Parce que moi, je suis comme, il y a un parc derrière. Ça reste des terrains qui sont très chers. Imagine une piscine publique sur Sainte-Catherine. Comment aurait été drôle? Comment ça aurait été hot? Oui, comment ça aurait été parfait? Imagine juste comme un centre communautaire, une bibliothèque, comme n'importe quoi. Oui, oui. N'importe c'est quoi. Sûr qu'il y a n'importe des quoi. Potentiels incroyables. Mais le la parc ville est encore, là. Aurait eu de l'argent pour le faire, probablement. Oui. Mais la ville a des priorités à droite et à gauche, plein les mains. Puis c'était Denis Coderre aussi. Et la ville. Ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour faire les projets qu'ils voudraient. Hein, la ville a une vision pour plein d'affaires, mais ils ne peuvent pas avancer leur projet. Ils sont dépendants de des budgets de Québec. Puis exactement. De non, c'est juste que le SPVM prend trop de place dans notre ah, ben, il y a ça. On revient au thème initial et on parlera du SPVM au prochain épisode. The fucking police! Yes! Fait que architecturalement, je suis pas en train de vomir ma vie. J'ai vu des choses pires, mais peut-être que je suis blasé. Peut-être que je suis rendu. Oui, non, je pense que t'en as vu des affaires là parce que c'est mais laid. C'est que quand tu regardes le Bourbon, ok, t'es comme oh encore. Mais tu retournes ta tête et tu vois le stationnement arrière de TVA. Ouais. Ah oui, non, et non, non, ça, il y a rien ça... qui m'insulte plus non. sur Sainte-Catherine oui. que TVA qui non, a mis je son. Sais. Calice de stationnement. TVA qui lui montre littéralement trucs. Son cul. Là. Exactement. Non, c'est pour Mario Dumont, il parle son avec son avec un petit muret lettre avec son mur aveugle, pas de fenêtre, à rien. Pas de fenêtre! À rien! Pas de fenêtre! Ça tue la rue. Ouais. Ah, ça tue la rue. Ça, c'est vrai. Le ça, Bourbon, vrai. Là, OK, ça va être plate, puis ça va être une longue façade, puis, mais il va y avoir des magasins, puis bon, ça risque mais, d'être des chaînes, des Starbucks. Mais c'est quand même une centaine de condos qu'on vient d'ajouter direct sur Sainte-Catherine aussi. Oui. Ça a un impact. C'est impressionnant visuellement parce qu'il y a peu de tours aussi élevées sur Sainte-Catherine oui. même dans ce coin-là. Par contre, il y en a un peu dans les rues avoisinantes. Oui. Donc, en termes de paysage urbain, c'est pas non plus dénaturant. Moi, c'est plus en termes de population que ça amène, en fait. Parce que là, tu as 100 propriétaires oui. de condos haut de gamme qui s'en viennent sur Sainte-Catherine. Est-ce que ça va tout être des propriétaires occupants? Pas sûr. J'en doute beaucoup. Il risque d'y en avoir qui vont mettre leur logement sur Airbnb. En fait, le promoteur qui est... Je pense que c'est une compagnie Qatari qui est comme semi-financée par l'armée, quelque chose de fucking weird. L'armée du Qatar. Ouais, ouais, l'armée du Qatar. Pas l'armée canadienne. Non, non, non, non, mais pareil, une armée. Une armée. Anyways. Oh, oui. c'est encore pire, en fait. C'est ça. Puis, dans le fond, lui, avait encouragé directement des gens, tu sais, comme pitch de vente de « vous pouvez le mettre sur Airbnb », puis ça avait full choquer le monde, puis avait retiré cette publicité-là, mais t'es comme, tu vois, c'est quoi les intentions claires du promoteur quand Il me semble que, bon, la directive de la ville, c'était d'interdire les Airbnb partout, sauf sur Sainte-Catherine. Ils permettent à certains endroits. Woo! Amazing. Je salue l'initiative de la ville de limiter Airbnb. Oui, limitons. Puis de lutter contre ça parce que c'est clair que ça enlève des logements, c'est clair que ça pousse les loyers à la hausse, c'est clair que ça dénature les réalités démographiques puis les cercles sociaux dans les quartiers. Ouais. Mais c'est sûr que ils sont mieux de le baliser, ils sont mieux de mettre des limites puis de le permettre quand même en disant bon, ok, dans cet espace-là, là, c'est. Tu sais, Sainte-Catherine, c'est super bruyant, c'est festif. Ah oui, puis je veux dire, ça va être plein de... Peut-être que là, ça serait moins pire. Ça va être plein de girls de Toronto, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Avec. Mais là, on rentre sur le vrai terrain de la gentrification. Oh. Parce que tantôt, on en parlait, bon, c'est un peu compliqué, c'est du tourisme, ça, déjà, en partant, la naissance du village dépendait de la destruction totale et complète du Faubourg Amelas. Mais là, maintenant, on parle plus d'habitation, parce que là, le complexe Bourbon, c'est un exemple, mais il y en a d'autres dans les entourages. Oui, puis le complexe Bourbon, c'est juste 100 condos. Hein. Le cinéma Champlain qui a été détruit il y a quelques semaines, lui, ce terrain-là, ça va être développé, ça va être environ 200 logements. Si je me souviens bien des données. Là, ça va être du logement locatif. Il y avait tout un cinéma esti. Si on avait restauré ça, on aurait pu faire de quoi avec, ça aurait été tellement nice. Yeah, for real. Ben, c'est ça. Ils vont développer. Ça va être encore une façade commerciale en bas. Fait que ça va un peu redynamiser ce coin-là, j'imagine. Mais c'est sûr que ça amène encore des gens. Là, on parle de 200, 300. Je pense que c'est 200. Par contre, là, on est dans les quelques centaines. Là. Rien d'impressionnant. Si on parle du développement de Radio-Canada... Radio-Canada a déménagé, hein, leur nouvelle maison, là, l'espèce de boîte de verre totalement sans âme et sans personnalité. Une autre. Il y a ça qui a été fait. L'ancienne maison Radio-Canada, ben, elle va être bulldozée en grande partie. La tour va rester là, notre beau phallus brun. Le quartier va être développé. Donc, on parle de condos, on parle de logements, on parle d'emploi. Molson après va déménager. Molson déménage. Faubourg Amelas, on va le refaire. Ouais. C'est ça. Molson déménage. Oui, c'est vrai. Ça arrive sud. Ils vont redévelopper au grand complet. C'est Groupe Sélection. Groupe Sélection, c'est une gang qui crée des résidences pour personnes âgées. Oui. Il n'y aura pas juste ça. Il y a un terrain prévu pour un énorme parc qui reprend un parc historique de la ville qui existait il y a un siècle. Ça va être une bordure sur le fleuve. Ils veulent vraiment redévelopper, redonner l'accès aux berges. Puis il va y avoir une école primaire aussi construite là-dedans. Esplanade Quartier, ça c'est là où il y avait la grosse tente de Cavalia, de l'autre côté du pont, là, juste à côté. Ce gros terrain vague-là, là, qui devait contaminer pendant à peu près 25 ans, ben, ils ont commencé. Le chantier est en cours en ce moment. Des condos. Et il va y avoir une partie qui va être logement social. Dans tout ça, 7500 ménages. Donc, on parle d'une population potentielle d'à peu près 13-14 000 personnes. C'est autant que la population actuelle du village. Tabarnak, on ça, double, c'est alarmant, là. On double la population. Et bon, là-dedans, il y a un 20% logement social. Donc, 1500 logements sociaux. Il y a du logement familial prévu. Les ententes, c'est des ententes qui sont plus béton que l'entente qui a sauté pour le Bourbon. Donc, je suis un peu plus confiant pour ça. Par contre, c'est que c'est un bassin de gens énormes qui débarquent dans le quartier. Ouais. Et ben, mais ils sont capables de vendre toutes ces unités-là, par contre. Parce qu'il y a un truc aussi où les condos, c'est rentable même à genre au tiers ou à la moitié de tes unités vendues, là. Ben, c'est difficile de rentabiliser quand même une tour à condo parce que tu fais ton argent sur la prochaine. Il faut que tu es ongoing, là, tout le temps. Okay. Puis tu fais ton revenu sur les dernières unités vendues, puis go on to the next. Puis genre, Moi, j'avais entendu des rumeurs, mais je suis content que tu me démentisses ça. Mais les promoteurs veulent faire de l'argent. Hein? C'est leur propre, c'est ça, que c'est leur nature. Hein? Oui, ben, bienvenue dans le capitalisme et l'expansion perpétuelle de revenus. Je peux pas leur en vouloir. C'est comme, j'en voulais. Moi, je m'autorise. Non, mais c'est parce que c'est une game qui est assez impressionnante de faire du cash. C'est comme si j'en voulais aux requins qui m'arrachent le bras dans l'océan. Je peux pas y en vouloir, c'est dans sa nature. Donc, les requins, non, plutôt les promoteurs immobiliers, ben eux, ils veulent faire du cash. Fait qu'il faut que tu dises aux promoteurs immobiliers dans quelle mesure il a le droit de faire du cash. C'est là que la responsabilité de la ville embarque. Ouais. Puis c'est pour ça parce qu'il sera ni assez humain, ni assez progressiste, ni assez... Exactement. On peut pas se fier à ça. On peut pas faire confiance à ça. Fait qu'oublie ça. Ouais. Toutefois, au micro de Deux Fifs le matin, on ne fera pas référence à la nature humaine. C'est pas dans leur nature, c'est des trous de cul. Déjà qu'on avale notre prep tous les matins, calice, on nous fera pas avaler que les promoteurs immobiliers, on peut pas leur en vouloir parce que c'est du monde, esti. Fuck that shit. Non. Sorry. On peut leur en vouloir, clairement. Il y a des dynamiques qu'on peut leur en vouloir. Par contre, c'est on peut pas s'attendre à eux. Non, c'est ça, clairement. Des décisions qui vont contrairement. Mais moi, juste, ça m'exaspère que le moindrement qu'il y a un petit bout de terre disponible quelque part à Montréal, condo. Genre, ils font juste des astuces de condo. Ben oui, mais la ville fait de l'argent comme ça. Il y a taxes foncières. Je sais, mais je suis plus capable. Parce qu'ils ne reçoivent rien du gouvernement. Fait que, c'est un gros cercle. C'est un énorme cercle vicieux. Moi, quand j'étais ado, je vivais pas loin du métro d'Iberville, puis en face du métro d'Iberville, il y avait un couche-tard. Ils ont voulu se syndiquer, ils t'ont rasé ça maintenant, c'est des condos. Ouais. Une belle histoire, hein? Ça a pris. Magnifique histoire. Martine au couche-tard. That's it. Mais tout ça pour dire que la dynamique démographique va énormément changer dans le quartier. Ben oui. Et c'est pour ça que. Dans 20 ans, ce sera plus la même affaire. Ça prend des mécanismes pour protéger le quartier. Parce que si tu fais rien, ben cet apport-là de gens, on sait pas c'est qui ces gens-là. Non, c'est ça. C'est non, quel horizon, on quel âge. On imagine le pire. Est-ce qu'on pourrait leur faire passer un test des valeurs, vous pensez, pour le village? Ah! Je pose une question. Excellent question. J'amène des idées. Enfin, un test des valeurs fait à bon escient, là. JSPVM à la mairie de Montréal l'année prochaine. Imagine, genre, on leur fait identifier des Drag Race Girls. On leur fait genre. Mais c'est pour ça que le risque de gentrification. On leur fait chanter Bye Bye Mon Cowboy de Mitsou, genre, d'un bout à l'autre. On leur fait, tu sais, juste pour comme voir s'ils passent le test. Marcher en talons de Papineau jusqu'à Tatéken. Au moins, minimum. Parfait. Ouais. En évitant les nids de poule. On l'a, là. Non, pas en évitant les nids de poule, faut que tu passes dedans. Ok, parfait, oui. J'allais marcher en talons 5-4, tu l'as fait ou tu l'as fait pas. C'est bon. Merci. Mais tout ça pour dire que cet apport-là de population, ben c'est ça qui peut amener des gros risques de gentrification sur Sainte-Catherine comme telle, dans la dynamique commerciale, dans les dynamiques des organismes présents, de notre communauté, dans notre rapport identitaire à ce quartier-là. Oui. Ça peut grandement changer à cause de ça. Puis juste la masse critique de gens qui comprennent et acceptent qu'il y a des personnes opprimées, c'est-à-dire des personnes, des usagers de drogue, des affaires de même. Et là, ça va être une masse critique de gens qui... malheureusement, fort probablement, vont faire « Ah, mais là, moi, les drogués sur le coin. » Mais c'est des propriétaires. Là, c'est différent. Parce que la SDC, la gang de commerçants qui n'aiment pas ça, voir ça, mais ça reste une petite gang de commerçants. Ouais. Quand tu as 14 000 personnes qui votent, c'est ça. Là, tu as une dynamique qui change. Oui. Puis c'est pour ça que l'habitation, dans le phénomène de gentrification, ben, c'est l'élément à clé. Il faut protéger l'habitation abordable. Il faut protéger les habitations sociales. C'est pour ça qu'il faut construire des coops. Il faut construire des choses pour que les gens qui ont moins de revenus puissent continuer à participer à la mixité du quartier, puissent rester dans leur quartier, puis puissent contribuer à ce quartier-là. Puis 20% c'est pas assez élevé. Là. Mm-hmm. 20% c'est quand même... un nombre assez important. Mais c'est pas sur tout, c'est sur seulement Feu Cavalia, c'est ça? C'est sur les trois nouveaux développements. Au moins sur les trois, OK. C'est ça. Ben 20%, c'est beaucoup plus haut que ce qu'on a normalement. Oui, parce que là, ce qui existait depuis 15 ans, c'est une stratégie d'inclusion et ça n'a jamais fonctionné. Rien qui s'est construit. Moi, je suis un jusqu'au boutiste. Hein. Moi, je veux 100%. Oui, ben là, 100%, oui. Fait que là... on fait une grande plage. À partir de René Lévesque jusqu'au fleuve. Ah ouais. Jusqu'au fleuve. Ça serait magnifique. Du sable en masse. Fait que là, justement, à cette heure que le village est en péril plus que jamais, je me demandais, qu'est-ce que nous autres, là, on va aller dans le plus léger. Qu'est-ce que nous autres, on aime du village? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Et bien sûr, je veux un petit souvenir, là, votre plus beau souvenir du village. Oh. Comment c'est avec toi, Marc? Ben, moi, le village, c'est sûr que j'accepte que ce soit une destination. Donc, j'accepte que le tourisme et tout ça viennent participer à sa dynamique. Mm-hmm. J'aimerais ça que ça devienne un élément physiquement unique à Montréal. Ouais. Les boules arc-en-ciel ont vraiment donné le goût que ce soit quelque chose de spécial. Puis ça devienne, une carte de visite de la ville. Ouais, un endroit avec une identité. L'identité de Montréal passe aussi par... l'existence du village. Oui. C'est important pour notre visibilité à travers le monde puis pour notre faculté d'être un aimant pour des gens besoin de venir dans la communauté. Un aimant. Exactement, un aimant. J'adore ce mot-là. Je vais l'utiliser beaucoup, très souvent. Et dans le fond, moi, mon meilleur souvenir du village, en fait, ça, c'est plus ma première relation avec le village. Yes. C'est que quand j'étais une petite moune, ben j'étais pas encore une moune consciente. J'étais une petite moune, mais qui savait pas. En questionnement. C'est ça. Moi, je viens de la Rive-Sud. On avait un chalet à la Rive-Nord. Fait que on traversait la ville pour s'en retourner à la maison. Puis mon père, souvent, en char, il passait pas par l'autoroute. Il voulait nous montrer la ville. Il voulait nous montrer les lumières de la ville. Little fait did he know, he made you gay. C'est sa faute. Fait qu'on traversait le centre-ville de genre Peel jusqu'à Papineau en voyant toutes les vitrines, toutes les lumières. Puis je me souviens très clairement de la silhouette du corps musclé, abstrait, du bord de danseur Adonis. Yes. Puis ça... Love that. J'étais une petite moule, 7-8 ans, là, puis ça continue de... L'équivalent de l'allée des boxeurs à l'aubainerie, là. Exactement. Ouais. Exactement. Parfait. C'est beau, ça. Puis le village, ben... trigger plein de réminiscences dans ma tête. Quand même, un beau souvenir. Ça explique un peu l'architecte en devenir. Là. On t'a beaucoup mis d'en face la beauté du monde plutôt qu'on va prendre l'autoroute Ville-Marie puis on va juste s'en aller par en avant. Mais non, c'est ça. Yes. Toi, Charlie? Moi, j'avoue qu'il y avait quand même un charme à 14-15 ans quand je disais à mes moms « je vais dormir chez des amis ». Mais que dans le fond, on allait à 10h, avant 11h, parce qu'avant 11h, il n'y avait pas de cover, ouais. Au Unity avec ma carte. Ok, chez mon ami, on avait genre modifié sur Photoshop une carte de... Tu sais, dans le temps, t'avais ta carte de transport, dans un petit truc qui fermait, avec ta carte de métro que tu montrais au chauffeur d'autobus, swipais. Puis en haut, t'avais ta carte de tarif réduit. Moi, j'avais une carte de tarif réduit frauduleuse du cégep Édouard Montpetit qui disait que j'avais 19 ans alors que j'en avais genre 14-15. J'ai toujours fait plus vieux que mon âge. Puis là, je suis rendu au moment où c'est plus le fun d'être plus vieux que mon âge, mais whatever. Cégep Édouard Montpetit. Je suis jamais allé là-bas, là. C'est juste ça qu'on a trouvé. C'est là que j'allais, moi. Mais c'était vraiment, là, c'était imprimé, découpé. Je l'avais slidé là. Je montrais ça au banseur puis il était comme « Yes, girl, you're getting in », genre. Puis j'étais tout Unity... content de payer 9$ pour ma Smirnoff Ice. Mais le Unity thrive sur des jeunes moons qui devraient pas sortir. Je sais, mais gars, moi, là, à 14 ans, là, d'être « in the club », Kissing Strangers, moi là, j'étais on top of the world, je vivais ma best whole life, puis genre, et ça n'est toujours pas terminé. Moi, c'est mon petit frère qui a abusé de ma carte, moi, c'est sortir au Unity, justement, il y avait bien du fun. Ah ouais. Moi, j'ai toujours eu l'air plus vieille que mon âge, j'ai jamais eu de problème, c'était merveilleux. Moi, ça prenait quand même une petite preuve, t'sais. Mais là, ok, vous, Madame PVM, qui avez été la grande duchesse de cette institution, le backbone du village de Couchetard. Oui, ils ont pensé changer le nom de Sainte-Catherine pour mon nom. Oui. Ils m'ont appelé. La Sainte-Jess PVM. Exact. C'est resté la Sainte-Cat. Ben oui. Vous, qui connaissez les confins les plus lugubres de ce lieu qu'est le village. Moi qui ai vomi sur au moins tous les coins de rue. Oui. Dites-nous, nous sommes tous Moi, là, je me rappelle la première année qu'ils ont piétonisé le village. J'étais, à l'époque, gérant du Couchetard au coin de Baudry-Sainte-Catherine, qui, d'ailleurs, ils ont rénové le Couchetard. Ah, ben, sacrament. Oui, c'était déjà lettre en crise, mais là, c'est pire que c'est pire. Ben oui, c'est ça, les grandes franchises. Puis, Puis je me rappelle la première année, c'était vraiment très drôle parce qu'il y a des gens qui le savent pas qu'on est au Québec des fois dans la vie. Fait que la SDC du village a décidé d'installer des palmiers. À tous les coins de rue, littéralement, ils ont fait venir des astis de tabarnak de gros palmiers. Mais des vrais palmiers. Des vrais palmiers. De vrais, là. Sacrement. En mai. Alors, je vous rappelle qu'en mai, au Québec, on est au milieu de l'hiver. Oui, c'est ça, là. C'est tout mort. Fait que là, toute l'hostie d'été, on avait des troncs d'arbres morts sur le coin des rues. Genre. Love that. J'étais comme, ben, en même temps, c'est la première année, tu sais. Ils ont essayé quelque chose. Ouais, oui. Ça c'était un hymne à l'état actuel du village. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme pour vous donner. God forbid qu'on mette des petites phrases cheeky, par exemple. Des arbres morts, ça va, j'aime ça quand tu viens. Hey, sacrement. Nos chats phalliques, c'est brun, c'est correct. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, là, c'était la première année. Fait, là, c'était le fun. C'était le meat market à ciel ouvert. Les gens n'avaient jamais vu ça. Il y avait des boners partout. Merveilleux. Ça n'avait pas de bon sens. Puis, d'ailleurs, en tant qu'ancien commerçant du village, mais je n'étais crissement pas le propriétaire, la piétonisation, là, ça rapporte du revenu. Si tu perds du revenu parce que c'est piéton, c'est toi le problème. Ouais. Il y a beaucoup de commerçants qui mériteraient à des fois se regarder dans le miroir et constater que c'est eux le problème. Hein. Quand tu t'updates pas, là. C'est pour ça que ton commerce meurt. Fait que tout ça, c'est pas un souvenir. Parce que là, j'étais le gérant. Fait que fallait que je les forme, mes employés, dans le village. Puis ça va vous donner une idée de la faune qu'on avait à servir. Love that. Quand je faisais les formations, je disais tout le temps, t'as deux options pour gagner un prix. Le premier prix, c'est 50$. Le grand prix, c'est 100$. Le premier prix, c'est si tu fais un tour du chapeau. Pour faire un tour du chapeau, c'est sur un chiffre de travail, t'as vu quelqu'un A, vomir, B, pisser, C, chier dans le magasin. Yes. C'est le tour du chapeau. Mais! Si tu veux ton 100$, tu peux avoir le grand chelem. Et ça, le grand chelem, c'est que tu as vu une personne faire les trois. Tabarnak. En même temps? Oui. Oui, et je le donnais souvent, ce grand prix. Là. Je c'était pas... Girl. Hein, on faisait pas une fois par année. Là. Maman. Ouais, fait que moi, j'ai un bac à travail social. Maman. Oui, non, bac honoris causa, là, genre... C'est ça qui se passe. Bac, je pense que c'est gonoris causa. Gonoris causa, ouais. Yes! Ouais. Fait que c'était ça mon... Moi, c'est mon plus beau... Ouais, c'est le fun, hein, mon plus beau sur Death Village. Non, mon plus beau sur Death Village, c'est les backrooms du parking, c'est clair. Shut the fuck up. Ouais, il y avait des backrooms au parking juste avant que ça ferme. Ça, là, c'est d'une tragédie quand je pense. C'est peut-être une raison de la fermeture, d'ailleurs. C'est possible, mais à l'époque, il y a beaucoup de bars qui s'essayaient. Il y avait comme, je sais pas s'il y avait un mouvement. Avec raison, avec raison. Pourquoi ils s'essayent plus? Est-ce qu'il y en a une au Canada, puis elle est à Toronto, puis elle est plate à mourir, calice? Ben oui, mais... En tout cas, j'aime pas ça les blagues sur Toronto, mais tout le monde va faire sa blague dans sa tête, là, je pense. Oui, on y va. Hein. Oui, c'est clé en main. Là. 3, 2, 1. C'est plate, Toronto. Est-ce que ça a encore une pertinence, selon vous, le village, aujourd'hui? Oui. Oui, hein? Clairement. Ben, clairement, c'est un phare. Même si on se définit contre... Ça reste qu'on se définit en fonction de ça. Moi, je trouve qu'il y a un charme à marcher sur Sainte-Catherine puis savoir que tu vas croiser du monde. Puis aussi, comme sortir de cette affaire-là, de comme nous autres, on est donc trop nice pour le village, puis on va être dans des affaires fancy en bourgeoisie quelque part dans un quartier cool. Genre, tu sais, comme pour vrai, là, moi, le cocktail, là, ça fait la job. Souvent. Ah, moi, j'aimerais beaucoup qu'on prenne conscience du fait qu'on peut ajouter au village, on peut améliorer le village sans nécessairement en faire un quartier musée ou un quartier hyper touristique. Puis que c'est pas vrai qu'il faut absolument que les mounes y habitent pour en faire partie. Tu regardes la petite Italie ou le quartier portugais, c'est pas vrai que toute la communauté italienne habite dans la petite Italie. Ils habitent tout à l'heure au nord et à Laval. Mais ça, par contre, ils se déplacent dans la petite Italie le week-end. Ouais. Ils vont faire animer les commerces. Ont gardé une identité. Puis est-ce que ça en fait quand même un musée à ciel ouvert trop cher? Pas nécessairement. Ça a gardé un certain charme quand même historique, local, il y a moyen de faire ça aussi avec le village, évidemment dans une autre mesure, en prenant conscience que ce village là, il vient de la drague, il vient du sexe, il vient de notre diversité et de le mettre de l'avant puis de faire découvrir ça au monde qui nous entoure. T'as pas besoin d'habiter sur Wolf pour avoir ta belle photo avec le background, la toilette du renard avec le beau papier peint. Mm-hmm. T'as pas besoin, tu peux te déplacer, c'est bien correct. Les commerçants ont compris que les espaces avaient un impact sur l'attrait, l'attractivité. Le renard, c'est super beau physiquement comme bar. Je veux dire, évidemment... C'est juste plate que tout le monde a l'air de la même affaire. C'est bon. Dis le raver, fuckboy. This is my aesthetic, okay? Don't come for it. Le drugstore, comment ils l'ont transformé? Ça a l'air d'avoir pas mal de gueule quand même. Le stud, ils viennent de le transformer. Ça, c'est quand même un bon indice que le village va mieux qu'il allait, hein? Moi, ils ont quand même transformé... Dit, la direction vers laquelle le stud est allé, par exemple, ça m'a fâché. Moi, pour vrai, des grands murs blancs avec des plantes. Ah oui, ben là, après ça, on peut se questionner sur l'esthétisme. On a vu ça partout, esti. Le stud, c'est gritty. C'est ça qui est intéressant. Ça reste que c'est des vraies plantes, hein? Good for them! Esti, on va sauver la planète, un mur de plantes à la fin, mais pas vrai. Je suis d'accord avec toi que ça, c'est vraiment pas en phase avec ce que le stud était. C'est ça, c'est vraiment pas en phase. Puis là, je suis juste comme, pourquoi c'est rendu poche, genre, par le contre, stud? Est-ce que... Ça, c'est la décision qu'ils ont pris, eux autres. Moi, ce que je vois à travers ça, c'est que le stud s'est dit qu'on... Il y avait les moyens de le faire avec l'attractivité qui en découlait, avec les gens qui y venaient. Fait que ça veut dire que c'est un bon signe sur la vitalité du village. Elle est trop optimiste, on la réinvite plus, là. moi, je vois pas le bon côté des choses de même. C'est supposé être le morning show, tout le monde va mal. Ça va mal, tout le monde va mal. Okay, c'est parfait. Sûr. Ouf. Écoute, ça va tellement mal que j'ai pensé à faire bleacher. Mais je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait pour un déguisement de Drago Malfoy et que c'était un échec capillaire assez flagrant. Fait que j'ai, Toutefois, je te castrais en Drago Malfoy. T'as pris la défense des promoteurs puis tout aujourd'hui. T'as l'air de quelqu'un qui est contre le Sandbourg. Oh mon Dieu! Je retire mes paroles. C'est un peu sévère comme jugement. Sorry. On te réinvitera finalement. T'es mieux. Bon, fait que nous autres là-dessus, on va aller se prendre un dernier petit café assis dans le parc Émilie-Gamelin à pleurer sur feu le festival Diversité qui malheureusement n'existe plus. Et on vous revient dans 20 secondes. Alors, ce n'est pas tout pour l'émission de cette semaine. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Bon, là, c'est le trigger, mon besoin de karaoké. On est homosexuel, la gang. Je t'en questionne. C'est pas vrai. C'est comme, I'm still on the fence. Like, I don't know. Ami, tu peux. On n'a rien à dire. Je sais bien. Tu es ce que tu veux quand tu veux. À part hétérosexuel. Oui. À part hétérosexuel. Ça, c'est un no-go. Hétérosexuel puis policier, c'est les deux no-go. De toute façon, je peux pas changer. Puis promoteur immobilier. Oui. Oui, ben, mon Dieu, finalement, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Douaniers, plein d'affaires. Écoutez, on vous fera une liste. On va publier ça. Fait Là, non, toi, tu voulais... Je voulais juste rajouter un élément. T'avais des signes d'espoir. C'est ça, j'avais un signe d'espoir. Et que quand on parle de gentrification du village, tout ne va pas mal, contrairement à nous, en ce moment. tout ne va pas mal. Il y a quand même des signes comme quoi il y a vraiment des signes positifs. Comme par exemple, le Super C qui a ouvert au coin à Tadegan puis Ontario. C'est qui con, cru? Là. C'est con du qui même, aurait là. Cru? Mais... Quand on dit gentrification, oui, c'est clair, ça prend de l'habitation sociale, l'habitation abordable, mais il y a les commerces de proximité aussi qui sont importants. Ouais. Commerces de base, pharmacie, épicerie, ce ouais. genre de commerce-là. Et c'est sûr que si tu remplaces toutes tes épiceries de quartier par des Rachel Berry, ben, ouais. c'est pas bon. Super C, c'est une chaîne, c'est mais quand même, c'est abordable. C'est ça, ouais, c'est super abordable. Fait que pour les gens qui ont moins de moyens dans le quartier, ben, ils ont un commerce de proximité, puis... Pour aussi les Moon, d'avoir des commerces qui les jugent pas. Ouais. Comme par exemple une pharmacie que tu vas aller chercher ta prep ou tu vas aller chercher tes petits comprimés, les petits 4 comprimés. Pour la méthadone, je veux dire, tout peu les, importe. Ou une seringue, peu importe. Ouais. Puis tu veux pas avoir un regard de jugement. Ben l'existence du village est bien importante pour ça. Parce que ça crée un lieu où est-ce que tu as une relation, c'est un safe space, dans oui. le fond, oui. qui se décuple en plusieurs identités, en plusieurs lieux physiques. Fait que profitez-en dans les 5 prochaines années Exactement. Avant que ça devienne le Church Village à Toronto. Oui. Fait que, puis autre chose, quand on transforme la ville, on consulte les citoyens. Hein? Puis ça, là, c'est que les gens ont le droit de dire le mot. Ils ont un mot à dire et ont le droit de le faire. Faites-le. Allez-y ouais. aux consultations. Déposer des commentaires. C'est pas obligé d'être un mémoire de 25 pages. Ça peut être juste un pseudo statut Facebook de, 20, ouais. de 200 mots. C'est juste qu'il faut que tu l'envoies à la bonne place. Ouais, ouais, ouais. Puis ben, l'OCPM, qui est l'Office de consultation publique de Montréal, ben, ils font des consultations en ce moment encore pour le site de Molson, Radio-Canada ouais. et compagnie. Oh my God, share the links. Ouais. On veut les avoir. Fait que c'est important ouais. de prendre conscience de comment la ville se transforme, quand elle se transforme, puis des mécanismes citoyens ouais. pour... que cette transformation-là se fasse au profit de tous et de toutes. Puis pour les gens qui n'ont pas nécessairement la plume pour écrire, il y a toujours l'option de brûler un poste de police. Là. C'est toujours, encore, oui, toujours. Oui, oui, oui. Les deux s'équivalent. Oui. Voilà. Donc, sur cette belle note d'espoir-là, c'était vraiment tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Marc-André Perrault d'avoir été avec nous autres. As-tu des plugs à faire pour même s'il se passe absolument rien en temps de pandémie? Des plugs à faire? Ben, ouais, je sais pas. T'as-tu un show qui s'en vient? T'as-tu un immeuble en bâtissement qui s'est... qui va popper de terre bientôt. Pas en tout. Moi, je regarde ce qui se passe dans la ville puis je suis bien excité. Je me dis que ça va mieux, je pense, qu'on le pense. Mais il faut watcher. Faut faire attention. Parfait. Sinon, pour les plugs, ben j'en ai chez nous, mais ça, c'est pas... Great. C'est pas même chose. Si j'allais faire la joke, je le disais. Fait que ça, seul plug, c'est un bot plug. Exactement. Alors, vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure. En tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2 fifs. Avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs. Et le matin, tu vas prendre un mot. Oubliez pas de nous donner des likes, de nous share, de nous écrire. Si vous nous écrivez beaucoup ces temps-ci, j'aime ça, c'est le fun. Continuez de nous harceler, on aime ça. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup moins abstrait que de se parler dans le blanc des yeux à 3. C'est le fun de savoir que vous aimez cette deuxième saison de 2 fifs le matin. Si qu'on n'a pas fini. Piu-piu! Piu-piu! À la semaine prochaine, les Moons! Bye! Bye! Bye.